Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 41. De la querelle ou rixe. La querelle est un péché produit par la colère. 1. La querelle est-elle toujours un péché? L'apôtre énumère les querelles parmi les œuvres qui excluent du royaume de Dieu. Galates 5. La querelle, rixa, est une espèce de guerre particulière entre personnes privées. Chez l'agresseur injuste, elle est un péché mortel, car on ne peut, sans péché grave, nuire à son prochain par des voies de fait. Dans celui qui repousse l'injure dont il est l'objet, il n'y a pas de péché, la querelle, à proprement parler, n'existe pas de son côté. Toutefois, s'il se défend avec un sentiment de vengeance, de haine, ou sans la modération convenable, il pêche, véniellement, lorsque le mouvement de haine ou de vengeance est léger, et que les limites de la modération sont peu dépassées, mortellement, si, de dessein bien arrêté, il se précipite sur son agresseur pour le tuer ou le blesser grièvement. 2. La querelle est-elle fille de la colère? La querelle vient de la colère, comme le déclarent les proverbes dans ce texte, l'homme en colère provoque les querelles. Proverbe 20, 18. Un individu peut vouloir en blesser un autre de deux manières, d'abord, en se proposant absolument de lui nuire, ce qui appartient à la haine, ensuite, en se proposant de le blesser de manière qu'il le sache et malgré sa résistance. Tel est le sens qu'il faut attacher au mot querelle, or cette intention appartient proprement à la colère, qui est le désir de la vengeance. C'est peu pour un homme irrité de nuire secrètement, il veut faire sentir que le mal qu'il fait a pour but de venger l'injure reçue. Voilà dans quel sens la querelle est fille de la colère. Note. Ce n'est pas que la concupiscence, l'orgueil, la vaine gloire, les discours insensés, la haine et l'envie n'en soient aussi des causes occasionnelles, mais la colère la produit plus directement. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.